Change de flow comme je change ma dégaine. J'dégaine c'est MC à la sauvette de viscère en chaussette. Même si le gros, les euros, la monnaie c'est mes vrais potos. Des années j'ai trimé Hugo. Entre la bibi et les bravos, faut des scaras, il faut faire des billets. Allo, bidu, hello, hello. J'suis sénégalais, mon cœur ma patrie. L'équipe qui fait place est des mal à partir. 1-2, 1-2, soldat Jingari. Mes chacals sont H de Evry à Grigny. Rakal, Yala, demain Julie. Lumaï, Def, demain Fouli. Kaa, Oris, Gabi, Gordé, Broly. Vise le Quinté. Au quartier je gère le trafic. Que passa amigo. Parole de trafic. Faut que les embrouilles à deux poils. Saloba plus à rafale. Reprends ton magot tes bails. Ouais les billets c'est de la caille. T'as plus de 3 kilos de muscle. Maintenant tu crois que t'es taille. Vas-y décale mon poteau avant que ça parle en balle. Que passe à amigo, c'est ma traîne au micro. On contrôle la neuzo. Envoyez la meca, la peuple à l'amnésia. Qu'on fout ça en yaska. Que passe à amigo. Ramenez les tchaka. J'suis posé au télo, mode vodka, un pédo. Mais faut que ça rafta. Tes négros veulent faire les embrouilles. Mais crois-moi, ils ont pas les couilles. On s'en bat les couilles, nous. On fera que parler les douilles. Ici c'est le fire, par ici c'est le débord. Ici que deux mises à mort, et non pas deux mises à mort. Que passa amigo, que passa amigo, que passa amigo, que passa amigo, que passa amigo, que passa amigo, que passa amigo, que passa amigo, que passa amigo, que passa amigo. Ramenez le Jaga de Anna Montana. Du doré, du son, que des fusils de billets. Gana sur Gana jusqu'à la banana. Le pilon est rebelle, c'est ça, tu es. J'sais que tu kiffes, tu kiffes la mif. J'ai rien contre le bif, donc j'ai rien contre les juifs. On est dans la C ou on est dans la B. On est dans la B. Celia, T-Clock, frère, c'est simple, baisse des gros tapés. Putain, poteau, c'est fait, écroué, libé, rescapé. Ça bibi dans le soir, ça charbonne le soir. On fait des lovés, ouais, tu peux me croire. Igo, Bendo, Bendo, hein. Squat. Jeune, on s'est mis à dealer. On a choisi les raids, pas les stylos. Nous, pas connaître les cours de philo. Lourd, 4, 2, 3, 4 kilos. Tu, demandes au charron dressé. Bon, donc, papa n'est pas là. Ouais, ouais, on va à deux frères. Brrrr, Anna Montana. Merco, Benz, on vous baisse. Baisse un peu, porte son taf dans le bec. Y'a les 22 qui passent amigo. Dis rien, comico. Que passe amigo. Y'a des échos sur mon bigo. Les pieds à la gare, ils te niquent ta mère, ils s'en foutent ton navigo. Je m'en bats les couilles, je suis en location avec une malienne. Avec une malienne. Les polos, c'est des grands garçons, ils font la file indienne. Braco, peste, hasbaz et yo de côté. Y'a pas d'arbitre sur le raté, il est interdit de fauter. J'ai crapolé, mais j'ai pas touché la lune. Bah ouais, il est bien ton clip, mais c'est moi qui fais la une. Métrou, j'aime recevoir de l'amnésia. Je fais la maîtrise. Le charron, sont dans le charlie des gars. C'est pour garder, garde la pêche, ne la mange pas. Que passa amigo, que passa amigo, que passa amigo, que passa amigo, que passa amigo, que passa amigo, que passa amigo, que passa amigo, que passa amigo, que passa amigo. Ramenez le Jaga de Anna Montana. Du doré, du son, qu'est des fusils de billets. Gana sur Gana jusqu'à la banana. Le pilon est rebelle, c'est ça, tu es. Que passa amigo. Ramène les bitches. Y'a mes charrons à surveille. Non, non, pas de jiggies. Gaba, Keba, Gaba, Keba. Villa, c'est droit. On a charbonné, les gars nous ont pété. Putain, c'est dommage, mes potes ont pris du frais. Brigitte, quelle va, je vais danser les tasse. Anna Montana. Anna Montana. Tana des Tana, je contrôle le jeu, appelle-moi Maradona. Fukama, Fukama, Kamen Azali, Mana, Boca, Kala, Boca, Roana, Boca. La justice attend pas les pays ou là-bas. Que passe à amigo, que passe à amigo. Briquet, là j'ai pas de cadeau. Allez, long, Wakuna, j'ai pas de necro. Charlo, Charo, Charo. T'as cru que t'allais passer gratos. Allez, Nacha, Vago, j'ai pas de coco. Paro, méga, va dans le bec sur la dépôt.